Je rentre à la place, pas besoin des classes. Je suis de nouveau en vue de retour dans le rap. Je prends mes nouveaux ailes, interdits aux mineurs. Le rap du ghetto style, il est toujours au fait. On porte les PD, je rappe jusqu'à ma mort. Trop de jaloux, ils veulent riposter. Je les clash comme des keufs, j'ai tellement la haine. Tous ces petits gamins, de merde. Je rappe avec le style, c'est le free. Du Dory Style, je viens de dire que ghetto style. Faut pas me détester, je suis intouchable. Je suis intouchable. Le rap du ghetto style, toujours avec du style. Le rap du ghetto style, toujours avec du style. Le rap du ghetto style, toujours avec du style. Le rap du ghetto style, toujours avec du style. Je rappe avec ma clique accompagnée de Dory Style, T-I-R-2-O. Au mic c'est R&D, ici c'est le ghetto style, on est toujours au fait, il faut pas nous tester. Au mic on est trop dangereux, espèce de petit PD, vas-y rentre chez ta mère. Ici c'est la cour des grands, j'attire les jaloux pour les doper. Je suis toujours posé, de retour dans mon quartier, accompagné de l'Ile-France. Nous on fuck la police, nous on fuck la justice, nous on baise l'état et tout ce qui va avec. Débarque dans le rap comme un putain de cannibale. 10-50 le code, Kinshasa, capitale. Les MC faillotent, les MC boycottent. R2O, bang bang, tiens toujours la cote. Je vais pas me rabaisser à cause de leur clash tout débile. Le crew infaçable te touche dans le mille. Mon rap il est bon, le tien est bancal. Ton rap en accueil, le mien général. Le rap du ghetto style, toujours avec du style. Toujours avec du style, toujours avec du style. Le rap du ghetto style, toujours avec du style. Toujours avec du style, toujours avec du style. Le rap du ghetto style, toujours avec du style. Toujours avec du style, toujours avec du style. Le rap du ghetto style, toujours avec du style. Toujours avec du style, toujours avec du style. Toujours posé dans la street accompagné de mon ghetto style. J'fuck tous les Jimmy qui veulent me tester. T.I.O. Mike, c'est trop dangereux. R2O, R&D, Doggy Style, tu peux pas test. Mon blanc c'est T.I. qui fait tourner les pétasses. Qui fait tourner les pétasses. Qui fait tourner les pétasses. Doggy Style quoi? R&D quoi? Toi-même tu connais. R2O, R2O, T.I. T.I.